Cette veste est très jolie. Moi, je préfère celle que tu portes. Cette robe est très jolie. Moi, je préfère celle que tu portes. Ce pull est très joli. Moi, je préfère celui que tu portes. Ces gants sont très jolis. Moi, je préfère ceux que tu portes. Ces chaussures sont très jolies. Moi, je préfère celles que tu portes.